Moi, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup, alors j'écoute. Moi, j'écoute et j'agis. Moi, je travaille pas dans la musique. Je fais toujours. Non. Un tout petit peu avec Jean-Robert. Tout ce qui a touché la musique, ça a été par passion. Par exemple, moi, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'occupait de la, enfin qui faisait des recherches sur la recommandation musicale, mais moi j'étais dans le domaine administratif, comptabilité, donc W3, voilà, donc je touchais pas du tout à ce côté-là, mais j'étais contente d'être dans le milieu quand même. Mais j'ai jamais vraiment travaillé dans le milieu parce que je pars du principe que je veux que ça reste une passion et j'ai peur que si je m'implique trop au niveau du travail, c'est-à-dire quelque chose qui va me faire vivre, j'ai peur de perdre cette passion-là. Et moi, je travaille vraiment différemment quand c'est comme un gagne-pain, là, si c'est pour gagner ma vie et si c'est par passion. Pour moi, c'est complètement différent. Donc moi, au niveau de la musique, ça a toujours été par passion et... J'ai un blog. J'ai commencé en 99 à monter un site pour des artistes qui jouaient dans leur garage, qui s'appelait Synsaver. Donc j'ai monté un petit site. C'est là que j'ai appris à faire du HTML, à commencer dans le web comme ça. Et c'était un groupe qui faisait pas de concerts, qui faisait rien, donc ça bougeait pas. Puis moi je m'ennuyais sur mon site, j'avais rien à mettre. Donc j'ai commencé à parler des autres artistes. Donc j'ai monté une sorte de webzine. Et puis à l'époque, à cette époque-là, il n'y en avait pas beaucoup, donc j'ai réussi à monter une équipe de rédacteurs bénévoles, des étudiants, puis même il arrivait un moment où les gens venaient à moi me proposer d'écrire parce que le site commençait à être populaire. Mais j'ai jamais monté de plan d'affaires, ça n'a jamais été business, ça a toujours été comme ça. Donc ça a pas mal marché. Et moi, ce que j'étais surtout, c'était à l'écoute de tout le monde. Donc quand j'ai monté Synsaver, j'ai eu beaucoup d'artistes. Synsaver, voilà. Ce qui est aujourd'hui mon pseudo que j'utilise partout. C'était un groupe, ouais. Les artistes venaient, voulaient que je chronique leurs CD, etc. Arrivait à un point où j'étais incapable de suivre parce que tous les artistes me contactaient, voulaient une chronique, etc. De fil en aiguille, le site était pas mal connu. C'était 1500 visiteurs uniques par jour que j'avais à l'époque. Donc, c'était dans les années 2000-2001 à peu près. Et comme j'arrivais pas à suivre, moi je montais moi-même les sites et puis j'avais Cédric, mon mari, qui tout le côté technique là, qui m'aidait, qui était là derrière. Donc ça s'est resté toujours dans mes mains, donc je pouvais toucher à tout. Et puis et quand je voulais quelque chose, quand on décidait de monter quelque chose, on pouvait le faire sans avoir à payer quelqu'un, etc. Donc les artistes, je pouvais plus fournir, donc j'ai monté une sorte de MySpace qui s'appelait autoproduction.net. Autoproduction.net, donc c'était un MySpace à petite échelle, là. Moi j'appelle ça comme ça pour essayer mais il n'y avait pas encore l'interaction avec les artistes, avec les fans, etc. C'était pas encore populaire, 2.0, c'était pas 2.0 à l'époque. C'est ça, mais ouais, ils pouvaient tout faire, ils pouvaient vraiment tout faire, mais tout passait par ma validation. C'est-à-dire tout ce qui rentrait, je modérais tout. C'était news, c'était musique, c'était leur profil, c'était tout. Je modérais tout, donc il y avait plus de 3000 artistes, c'était beaucoup, ça devenait beaucoup de gestion. Mais une fois qu'il y avait ça, les artistes, moi j'étais toujours à l'écoute des autres parce que moi je fais pas de musique, donc je le faisais pas pour moi, là, je le faisais Et non, jamais. Mais c'est un jour. Non. Sans compter. Mais c'est ça, mais j'avais. T'avais pas de bannière publicitaire Si, j'avais quelques revenus, mais j'avais un serveur dédié. Ça coûtait très cher à l'époque. Ça payait le serveur. Il y a des gens qui disent, j'aimerais ça peut-être annoncer quelque chose, pas de problème, mais c'est ça, c'était pas business moi, donc c'est ça, j'aurais pu faire, mais c'était ça. Puis je voulais pas être trop redevable parce que c'était après mon boulot, j'ai toujours eu un boulot à temps plein. C'est ça. Si tu commences à faire business, ben, t'es redevable, tu dois. C'est ça, voilà. Ouais. Donc après autoproduction.net, les artistes, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient vendre leurs CD. Donc j'ai monté une boutique en ligne de vente de CD. Donc c'était une grosse boutique, ça s'appelait Virtua Label. Et donc le système, c'était de les artistes via leur profil autoproduction.net pouvaient mettre leurs CD en vente sur Virtua Label. Donc ils faisaient tout eux-mêmes à chaque fois. Et je ne stockais pas le CD, j'étais juste un intermédiaire. Ça avait l'aspect d'une boutique, mais c'est l'artiste qui envoyait lui-même son CD. L'objectif de ça, c'était que l'artiste pouvait envoyer sa promo en même temps, pouvait faire plus qu'une simple boutique qui envoie un CD que moi je gérais, j'aurais eu des stocks, etc. Mais le problème, c'est que l'artiste n'allait pas jusque-là, c'est-à-dire il envoyait son CD, point, il n'utilisait pas le système. Il n'exploitait pas ça pour la raison pour laquelle on l'avait créé, mais enfin bon. Donc c'est ça, c'est un petit peu mon parcours, ça a toujours été à côté, ma passion, être à l'écoute, faire les choses sans créer de modèle d'affaires, c'est être à l'écoute des besoins et puis de monter en fonction des besoins et sans avoir d'obligation, c'est-à-dire Virtua Label, non, je l'ai fermé aussi. C'est parce que ça se gérait avec autoproduction.net, donc qui n'existe plus, non. Donc moi j'ai tout fermé et j'ai juste gardé mon blog. Enfin j'ai ouvert un blog en reprenant un petit peu le contenu. C'est ça. Maintenant c'est Zicken Blog qui j'ai encore quelques rédacteurs qui s'impliquent un petit peu, hein, mais j'essaye de faire. C'est un blog pour moi participatif, collectif. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui veulent s'impliquer, mais qui viennent, parce que c'est toujours passion, moi. Allez-y. C'est l'industrie musicale, je vais vraiment parler de tout. Ça peut parler d'artistes, ça peut parler des droits d'auteur, ça peut parler des outils pour les artistes. C'est beaucoup dans la découverte, hein. C'est quand même toujours beaucoup de langues des indépendants. C'est ça. Je vais pas voir beaucoup de concerts, mais internet, avec internet je découvre simplement avec internet, je découvre un artiste, ben voilà, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Ben, Zicken Blog, c'est justement mélanger la culture québécoise et française. J'ai des rédacteurs en France, puis moi j'essaye de toucher un petit peu le Québec, donc c'est un petit peu ça ce que je touche. Et puis W3, on m'a fait lâcher ça il y a quelques... On peut dire ça. Donc depuis que j'ai quitté ça, moi je me suis impliquée dans une fondation qui aide des familles en difficulté financière qui ont des enfants malades. Donc je suis pas du tout encore professionnellement dans le domaine musical, mais je continue à toucher à la musique. Je suis un petit peu comme toi, José, je suis très à l'affût de tout ce qui se passe sur c'est ça. C'est parti je me suis impliquée sur le PodCamp parmi les administrateurs de PodCamp Montréal. Donc c'était un événement, je sais pas si ouais. Comment ? Sylvain Grandmaison, ouais, avec qui tu étais chez réseau.0. Ouais. Ah bon, on va pouvoir en parler plus tard. Ouais. Ok. Et donc Podcamp, en fait, j'avais invité, je voulais ajouter à Podcamp un petit côté musique. Et donc j'ai contacté certaines personnes que je trouvais intéressantes de par leur blog, de par leur activité, leur implication dans les réseaux sociaux, etc. Et il y a Martin Véronneau qui a fait une conférence, en fait, parce que j'ai contacté plusieurs personnes, ne sachant pas au départ qu'est-ce que je voulais exactement, je voulais juste apporter ça. Et donc Martin Véronneau a proposé de faire une conférence, donc de 45 minutes, sur, c'était la musique 2.0. Et on a décidé ensuite de faire un panel où il y avait donc Jean Robert, il y avait Jacinthe Plamondon qui devait être là ce soir, qui m'a dit qu'elle venait puis que je vois pas. Il y avait Marc-André Laporte qui a un blog qui s'appelle Donne ta musique. Je trouvais ça intéressant. Il y avait Pierre Bourg de Indica. Et puis donc Martin Véronneau. Et donc ce qui est arrivé lors de ce panel, c'est que on discutait, enfin. Pierre Gégourde, c'est ça. C'est ça. Et puis donc moi j'ai remarqué que la discussion aurait pu durer toute la journée. On avait juste c'était juste 45 minutes le panel, et puis bon, on a eu le temps de toucher pas grand chose. Donc à partir de là, j'ai eu l'idée de il y a le Yulbiz, il y a plein de voilà. Donc je me suis dit on va créer le Yulzik, que j'ai appelé Zik Montréal. Je sais pas trop encore comment ça s'appelle, mais le but c'est de faire c'est ça, ouais. Alors, faudrait l'activer un petit peu. Ouais, ben. Problème, c'est qu'il manque du temps pour tout faire. C'est ça, tous ce problème-là. Mais... Puis là, tu vois, ce soir, les gens qui étaient là à Podcamp. Autre nous deux sont pas revenus. Ben Pierre, c'était mauvais timing, mais souvent surchargé. Il m'a répondu, il m'a dit qu'il pouvait pas. C'est Carole qui est en charge du départ du blog de 0.40.